Mayard. Yen a pou di konfinman, y ve flex kokel. Si pa ni son, y ka we rouge kon Joseph Cotrel. Apre soare la, sa ka fini l'hotel. En attendant, y ka descend, ne pas la ka open. Y ka jiggle, jiggle, apre sa spit in the middle. Y vle tant de sang pou y pe check it and wiggle. Flex c'est le feu, she a fi burn. She a fi burn, she a fi burn. Y se en bad gal, y se en bomba. Y sa kreme ki jan pou bwene bomba. Kokin descend ba. Y sa kreme ki jan pou bwene bomba. Will pas gal chi a 630 ou sa vie pas jamais en Rita. Tic tac, tic en chica. Money pour la poupée même brillé en Lidia. Enemy bas la, back up, back up, back up. Sur quoi d'ailleurs, mais y sa, back up, back up. Chi a chata, eika, mash up, mash up. Chi a chata, eika, mash up, mash up. Y c'est un bad gal, y c'est un bomba. Y sa tremé qui j'en pour bonne bomba.